Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la popote des idées. Jusqu'à 11h30 sur Radio Laser, on parle des lanceurs d'alerte. C'est le récit d'un combat sans fin, une bataille contre la commercialisation d'un médicament qui aurait provoqué entre 200 et 300 morts sur le court terme et jusqu'à 1800 dans les prochaines années. Ce combat contre le Mediator, c'est celui d'Irène Frachon, pneumologue française travaillant au CHU de Brest. Elle a été la première à dénoncer l'utilisation de ce médicament par ses confrères. N'arrivant pas à se faire entendre au sein des institutions compétentes, elle décide de dévoiler l'affaire au grand public. La voilà devenue lanceuse d'alerte. Toute cette histoire est racontée dans La Fille de Brest, un film actuellement à l'affiche que nous vous recommandons chaudement pour toutes les questions qu'il lève. Et ces questions, justement, nous avons décidé de nous les poser aujourd'hui. Car qu'il s'agisse d'Irène Frachon avec le Mediator, d'Edward Snowden avec les écoutes de la NSA, de Stéphanie Guibaud avec UBS, d'Antoine Deltour avec les LuxLeaks, les lanceurs d'alerte semblent bien souvent seuls dans leur combat, pourtant leurs révélations semblent servir ce qu'on appelle l'intérêt général. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire l'intérêt général? Si on se base sur les exemples que nous venons de citer, défendre l'intérêt général revient à défendre la transparence, à trahir pour la bonne cause le secret des affaires. Mais jusqu'à où peut-on défendre la transparence sans que celle-ci ne représente un risque pour la démocratie? Les lanceurs d'alerte sont-ils vraiment nos héros d'aujourd'hui? Doivent-ils être aidés dans leur démarche? Et comment pouvons-nous les aider? Faut-il protéger les lanceurs d'alerte? On en parle jusqu'à 11h30 sur Radio Laser. Comme chaque semaine, je suis accompagné de Clément et Colin, les fidèles chroniqueurs. Bonjour à vous deux. Eh ben, bonsoir. Alors, Colin d'abord, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui dans ta chronique médiatique? Eh bien, aujourd'hui, Tanguy, je ne suis que désespoir, tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Nicolas Sarkozy se retire de la vie politique. Ça valait bien une chronique pour lui rendre hommage. Très bien, on écoutera ça tout à l'heure. Et Clément, cette semaine, pour ton reportage, tu es allé à la rencontre d'un parti politique peu médiatisé. Et oui, tout à fait, j'ai pas rencontré Florent et Mistral qui sont les co-coordinateurs en Bretagne du Parti Pirate, petit parti de 800 adhérents, vous verrez ça plus tard, je vais les interroger sur les lanceurs d'alerte. Très bien, on écoutera encore ça tout à l'heure. Et exceptionnellement cette semaine, pas de technicien, c'est moi qui vais essayer de remplacer nos fidèles Arthur et Yves, aussi bien que possible. Vous connaissez donc le programme et l'équipe, la popote des idées du samedi 26 novembre 2016, c'est jusqu'à 11h30 sur Radio Laser. Et donc, cette semaine, pour parler de notre sujet des lanceurs d'alerte, je reçois trois invités. Anne-Marie Béguet-Simon, bonjour. Juste demander de parler dans le micro. Bonjour à vous. Merci de m'avoir invité. Et bien, de rien. Vous êtes représentante de la Ligue des droits de l'homme à Rennes. Est-ce que, en quelques mots, rapidement, vous pouvez nous présenter la Ligue des droits de l'homme? En quelques mots, c'est bien difficile, vu l'ancienneté de ce mouvement. Je pense que c'est une association qui a été créé par Victor Bache. Vous connaissez Victor Bache. Il y a d'ailleurs ici un lycée. C'est un homme qui a beaucoup pris d'engagement, de position dans l'affaire Dreyfus, hein, dont vous connaissez les éléments, hein, la lutte acharnée pour faire valoir son honnêteté, son intégrité. Et puis la Ligue des droits de l'homme, eh bien, c'est toujours un mouvement qui est particulièrement vigilant sur le respect des droits de l'homme, l'ensemble des droits de l'homme, tels qu'ils ont été si bien formulés en 1948, hein, dans la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je pense qu'aujourd'hui, l'actualité, nous apprend à quel point cette Déclaration universelle des droits de l'homme est constamment à défendre. Très bien. Ce que je pourrais dire. Voilà, donc vous êtes compétente pour parler de ce sujet puisque la Ligue des droits de l'homme s'est engagée dans une lutte pour une meilleure protection des lanceurs d'alerte et vous aurez l'occasion de nous faire un point sur l'avancée de votre combat. En face de vous, pour discuter de ce sujet, Hervé Lejeune, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'Union des entreprises. Délégué général. Délégué général. C'est plutôt la CGT, on parle de secrétaire général, mais là on parle de délégué général à l'Union des entreprises, qui est donc le syndicat patronal, l'organisation patronale d'Ille-et-Vilaine. Voilà, c'est 3500 entreprises adhérentes, du tout petit, un salarié ou deux, à des un peu plus gros. Voilà. Et donc, les entreprises peuvent être impactées par ces lanceurs d'alerte. Et c'est pourquoi nous vous avons invité. Et enfin, en troisième invité, Emmanuel Maréchal. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et vous êtes représentant d'Amnesty International Bretagne ici sur notre plateau. Et vous aussi, pour terminer le tour de table, est-ce que vous pouvez nous parler, nous présenter rapidement Amnesty International, qui est célèbre aussi, mais pour les rares auditeurs qui ne connaîtraient pas. Oui, Amnesty International, c'est un mouvement proche aussi de la Ligue des droits de l'homme. C'est un mouvement un peu plus jeune, créé en 1961, mais ça commence à faire du temps. C'est 7 millions de membres dans le monde. Le même texte qui nous motive avec la LDH, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme. Amnesty, c'est des enquêtes de terrain, des rapports, c'est des actions de plaidoyer au sujet des violations des droits humains et qui interpellent les décideurs. C'est aussi une association indépendante des gouvernements, des intérêts économiques qui ne reçoit pas de subventions, qui se bat pour que le droit des personnes soit respecté. Et donc votre association aussi s'est lancée dans une lutte, un peu un combat pour une meilleure protection des lanceurs d'alerte. Alors pour commencer la discussion, je voudrais peut-être qu'on commence par expliquer ce qu'est un lanceur d'alerte, parce que c'est bien beau de dire lanceur d'alerte, mais à quoi ça correspond? Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la loi Sapin 2, de son vrai nom, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui a été votée le 8 novembre par l'Assemblée nationale. Et alors elle crée notamment un statut du lanceur d'alerte, ce qui est inédit en France, et la définition qui est donnée dans cette loi, c'est qu'un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit représentant une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance. Donc c'est une définition compliquée, un peu. Avant l'été, Anne-Marie Béguet-Simon, la Ligue des droits de l'homme, avec plusieurs ONG, vous avez publié un communiqué commun dans lequel vous dénonciez la définition trop peu précise, justement, du statut de lanceur d'alerte. Depuis, cette définition a été revue. Notamment, vous critiquiez le manque de mention d'intérêt général dans la définition et qui aujourd'hui a été rajoutée. Est-ce que vous trouvez que cette définition, maintenant, est complète? Est-ce qu'elle représente bien ce qu'est un lanceur d'alerte? Oui, je pense que d'avoir ajouté cette notion d'intérêt général, on pourrait dire peut-être aussi le bien commun, le bien public, je pense que c'est important. C'est important de l'ajouter. Ça me paraît refléter vraiment la problématique de fond à laquelle on est confronté si on veut réfléchir à comment protéger les lanceurs d'alerte et puis la fonction, l'utilité sociale des lanceurs d'alerte, qui parfois paye le prix lourd d'avoir pris le risque d'être un lanceur d'alerte. Et j'ai eu autour de moi le cas d'un ami qui l'a été et qui a payé le prix fort par sa santé. Voilà. Hervé le jeune, par rapport à ce qu'a pu dire Anne-Marie Béguet-Simon, est-ce que vous pensez aussi que le travail des lanceurs d'alerte est digne, enfin représente l'intérêt commun en fait? Déjà, la notion de lanceur d'alerte, en fait, en soi, une bonne chose. La question, c'est qu'est-ce qu'on met un peu derrière? La notion d'intérêt général, c'est très général, c'est très vague. L'intérêt général, il peut apparaître comme tel 10 ans, 15 ans après, mais sur le moment T, c'est pas forcément en fait la réalité. Donc ça pose déjà un problème. Je pense que c'est une définition qui est beaucoup trop floue encore à mon avis. Deuxième élément, il y a le lanceur d'alerte. En fait, dans la définition que vous donnez, il y a une chose qui est importante, c'est la notion de bonne foi. Qu'est-ce qu'est la bonne foi aussi? La bonne foi, c'est la bonne foi par rapport à quoi? Par rapport à un système, par rapport à son engagement, par rapport à sa société, son entreprise. Il y a un tas d'éléments là aussi qui sont beaucoup trop flous. Et puis nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, des lanceurs d'alerte. Nous mettons le doigt sur un certain nombre de choses qui ne correspondent pas à nos convictions par rapport à un certain nombre d'affaires qu'on a pu voir. Vous avez cité le médiateur qui est une affaire absolument scandaleuse. Évidemment qu'il fallait protéger en fait ceux qui ont dénoncé, avec même si ça a mis quand même pas mal de temps. Aujourd'hui, ça paraît évident. Je pense que vous l'avez dit, madame, à juste titre, ceux qui ont montré à un moment donné en fait que des laboratoires ne faisaient pas leur boulot ont dû payer chèrement en fait. Voilà, quand on voit les affaires avec les États-Unis et WikiLeaks, évidemment qu'aujourd'hui cette personne apparaît comme quelqu'un de bien. La question, c'est de savoir jusqu'où ça va, à qui profite le crime. Est-ce qu'il y a un moment, quand on voit les fameux mails qui ont été donnés via, paraît-il, la Russie, qui a plutôt influencé une campagne qu'une autre. Est-ce que c'était des lanceurs d'alerte que de dire attention, Poutine est derrière cette histoire? Ça va très très loin. C'est-à-dire que le lanceur d'alerte, c'est à la fois quelque chose qui nous paraît important dans une démocratie où les gens peuvent s'exprimer et qu'il faille les protéger. Ce qui me dérange beaucoup plus, c'est que tout le monde peut devenir lanceur d'alerte. Et pour des causes qui en fait peuvent nuire à d'autres. Ce qui s'est passé hier ou avant-hier chez Vinci, vous avez un communiqué de presse qui est repris par l'ensemble de la presse, qui a fait chuter en fait le cours de la bourse de 19% d'une valeur, et qui a profité à qui? Qui a profité aux concurrents de Vinci. Est-ce que ceux qui ont dénoncé, est-ce que c'était des lanceurs d'alerte? La réponse est non. Je crois qu'il faut protéger, il faut permettre aux gens de s'exprimer, il faut les protéger quand ils le font, il faut juste que cette notion de bonne foi, quelque part, intervienne et qu'on sache réellement quel est l'intérêt de la personne en question. Réussir à faire une différence entre les vrais et les faux lanceurs d'alerte, en fait. Oui, ça, c'est un peu ça. Ça serait un peu ça. Emmanuel Maréchal, sur cette définition trop floue. Alors, Amnesty International n'est pas intervenu au niveau de la France. Amnesty International est intervenu, enfin, intervient au niveau international. Toutefois, un lanceur d'alerte, c'est vrai que récompense financière, avantage personnel, c'est en dehors de ce concept d'intérêt général. Il ne peut y avoir ces conditions. Pour ces conditions, c'est un lanceur d'alerte, c'est une motivation désintéressée. Et alors, justement, il a été critiqué régulièrement, notamment dans les débats au Parlement, cette définition trop large qui permettrait d'englober les faux lanceurs d'alerte. Mais est-ce qu'ils existent? Vous avez cité cet exemple. Il y a eu un exemple aussi en 2013 de peut-être faux lanceurs d'alerte autour du furosémide qui avait été une alerte lancée depuis Saint-Malo et qui avait arrêté la production de ce médicament pendant quelques semaines pour réaliser des tests pour vérifier si un médicament n'avait pas été remplacé par un somnifère. Et il se trouve qu'au final, pas du tout, c'était juste une erreur individuelle et donc il y a eu des pertes assez conséquentes. Est-ce que c'est faux lanceurs d'alerte? Emmanuel Maréchal, peut-être, est-ce qu'ils existent réellement ou est-ce que c'est un mythe qui peut être créé par ceux qui ne veulent pas vraiment les protéger pour empêcher la protection? Je suis content que ce soit pour vous la question. Ah. Enfin, je vais reprendre les critères et puis avec la LDH, je crois qu'il y a une réponse. Enfin, je reviens sur ces critères d'intérêt financier, etc. Voilà, on doit l'exclure. Évidemment, on doit l'exclure. Anne-Marie Béguet-Simon, vous voulez répondre peut-être? Je pense que la prudence pour protéger à la fois le droit à l'information du citoyen et la liberté d'expression implique qu'il faut toujours examiner d'où parle la personne, de quelle institution elle relève, comment elle se définit. Moi, je dirais que c'est un point de vue très sociologique que je dis là, mais comme vous avez dit tout à l'heure, à qui profite le crime? Moi, je dirais que la prise de parole, elle n'est jamais neutre. Soit, effectivement, il y a une volonté de défendre l'intérêt général, une volonté de défendre une certaine vérité. Je pense à la vérité scientifique, par exemple. Mais effectivement, vous pouvez avoir aussi, derrière les faux lanceurs d'alerte, peut-être, des gens qui veulent attirer l'attention sur eux pour X raisons, à rechercher soit des raisons qui sont du domaine de la psychopathologie, soit d'autres raisons fallacieuses, je ne sais pas lesquelles. Mais moi, quand je pense au lanceur d'alerte avec lequel j'ai pu travailler pendant plusieurs années, qui était un vrai... Non, il était, parce que malheureusement, il est mort... Un vrai lanceur d'alerte, quand il a fait le point sur la problématique du dépistage du cancer du sein, nous avons travaillé beaucoup ensemble sur ce sujet-là, puisque en 2000, il y a eu un article qui a été produit et qui vraiment contestait les travaux nordiques qui avaient été faits et qui laissaient prétendre qu'on pouvait réduire la mortalité par cancer du sein avec la mise en place de dépistages organisés de masse. Bon, eh bien, le fait d'arriver en 2003 avec le lancement d'une politique de lutte contre le cancer qui a été renforcée par Chirac et de contester les résultats de certaines études qui voulaient faire croire que, voilà, il faut vraiment protéger toutes les femmes de la mort en les lançant dans un programme organisé de dépistage du cancer du sein, le fait de mettre en question cette politique-là a été problématique pour cette personne-là, ce chercheur qui était un enseignant-chercheur de haute qualité, de haut niveau, et qui le faisait pour défendre l'intérêt commun. C'était quoi l'intérêt commun ? C'était l'accès pour les femmes à une technique qui était valide, et c'était l'accès à l'information complète pour ces femmes, le droit à l'information objective, variée, pour qu'elles puissent assurer leur autonomie de jugement par rapport au fait de oui ou non, je m'engage dans le dépistage organisé qu'on me propose à partir de 55. Bon, toujours est-il que cet homme, il a été déjugé, je dirais, par la hiérarchie. Il a reçu un message de la Direction générale de la santé, vous changez de programme de recherche, monsieur. Il a reçu un message de sa direction, je tairai le nom de l'établissement par respect. Sauf si vraiment vous me demandez, mais je préfère vous pouvez y aller, pas le dire. Pour mais vous aider voilà, à comprendre. Cet homme, il a été complètement massacré dans son intégrité intellectuelle, alors que je me rends compte que quelques années après avoir fait ce travail ensemble, on a publié ensemble, on a publié des articles ensemble, il y a un livre ensemble, eh bien, progressivement, les études sont apparues venant du Canada, de Grande-Bretagne, et qui montraient que il avait raison de dénoncer les programmes de dépistage organisés. Mais voilà, il est mort d'un cancer, lui aussi. Mais quand vous recevez des messages délétères sur votre boîte mail qui vous disent « Vous n'êtes pas un bon chercheur, vous n'êtes pas digne de représenter la recherche sur le cancer du sein en France », qu'est-ce que ça vous fait ? La question, c'est à quel prix est-ce qu'on peut aller jusqu'à défendre ? Voilà. Est-ce qu'on peut prendre notamment l'exemple ? C'est un exemple. Certains essayent peut-être plus de se protéger, notamment avec l'affaire des Panama Papers, qu'on a vu en début d'année. Le lanceur d'alerte restera certainement toujours inconnu. Est-ce que choisir l'anonymat aujourd'hui, face à la pression qu'ont peut-être les lanceurs d'alerte, est la meilleure protection que l'on puisse avoir ? Peut-être Hervé Lejeune, vous voulez répondre ou vous préférez déléguer la réponse ? Pas facile. Non, mais allez-y, vous en voyez. Oh bah Emmanuel, non. Non, moi, je voulais juste, enfin, avant de répondre à votre question, il y a une notion qui est importante, qui est celle du temps. C'est-à-dire que, on va remonter beaucoup plus en arrière. La notion de Pasteur. Pasteur, en fait, en son temps, aurait été un lanceur d'alerte. On disait, attention, c'est inconcevable de faire ça, ça et ça. Et on l'a pris pour un fou au début. Bon. Et, or, il avait raison. À l'inverse, on a eu des chercheurs fous, des gens qui racontaient n'importe quoi et qui se plantaient complètement dans leur théorie. Voilà, c'est là la difficulté, à mon sens, de savoir où est le vrai. Et pourtant, la personne que vous citez, bien évidemment, avait probablement raison, mais elle était de bonne foi. Et elle avait aucune intention de nuire. Elle avait des valeurs qu'elle voulait défendre et elle avait le sentiment que ça se passait pas comme prévu. C'est là la difficulté de l'exercice. C'est là la difficulté de l'exercice. Alors sur l'anonymat, c'est facile quand vous êtes un peu à l'extérieur du sujet, c'est-à-dire vous partagez des valeurs, mais vous êtes un peu à l'extérieur. Dans votre cas, madame, en fait, où vous expliquez de votre ami qui est dans une société, dans un laboratoire, il dépend totalement de sa société, c'est quand même elle qui le fait vivre, et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors vous balancez l'anonymat en fait a quand même des limites, il y a un moment où très vite on remonte la filière et on sait très bien d'où ça vient. Et là aussi c'est un sujet, je représente les entreprises, et il y a un moment où en fait on a aussi des salariés qui parce qu'ils n'ont pas eu l'augmentation qu'ils voulaient, ils n'ont pas eu la promotion qu'ils voulaient, le sentiment d'être à l'écart, ce qui n'est pas toujours le cas, se disent halte-là, je vais balancer des informations qui ne sont pas du tout celles que je pense, mais ma société fait n'importe quoi, parce qu'on tombe dans un cycle où les gens ne sont pas à l'aise, ne sont pas bien dans leur peau et ont le sentiment que tout leur tombe dessus. Est-ce que c'est un lanceur d'alerte ? Les conséquences financières pour la société peuvent être majeures. Quand on a en fait expliqué que Perrier aux États-Unis en fait avait un produit dans ses bulles ou je sais pas quoi, ça s'est cassé la figure et ça a permis à une société autre de racheter la société Perrier. Est-ce que le lanceur d'alerte en fait était réellement fondé ? La réponse est non. On a créé un pur lanceur d'alerte pour pouvoir en fait avoir des opportunités de rachat derrière. Une fois que le rachat est fait, vous pouvez expliquer que le lanceur d'alerte était un truand de première. Oui, mais la société elle a été vendue. C'est aussi ça, il faut être, à mon avis, vigilant. Donc sur l'anonymat, qui était votre question, l'anonymat a des limites très rapides. On arrive très vite à remonter à la filière. Wikileaks, on a très vite su d'où ça venait. Hein. Alors, après, vous parliez aussi, quand on est à l'intérieur des entreprises, est-ce que parfois, ces entreprises n'essayent pas d'éliminer rapidement les lanceurs d'alerte? On peut voir, je vais juste citer le cas de Stéphanie Guibaud, du coup, avec UBS. En 2008, elle était donc cadre chez UBS. Elle a eu accès à des fichiers dont sa direction lui a demandé de les supprimer. Et ces fichiers clients prouvaient, en fait, que l'objectif d'UBS France, la banque, était d'aider ses clients à ouvrir ensuite des comptes en Suisse. En 2009, Stéphanie Guibaud a porté plainte contre UBS. La justice n'ouvrira une enquête qu'en 2011 et l'affaire sera médiatisée en 2012. Mais entre-temps, Stéphanie Guibaud a eu le temps d'être licenciée officiellement pour des raisons économiques. Et après 3 années de bataille, tout ce qu'elle a réussi à obtenir des prud'hommes, c'est 30 000 euros d'indemnisation. Selon elle, ça correspond aux frais d'avocat qu'elle a dû engager pour toutes ces procédures. Emmanuel Maréchal, est-ce que la protection au sein des entreprises devrait être renforcée là aussi, que ce soit à l'international, peut-être comme Amnesty International justement pourrait agir? Est-ce que il faudrait peut-être harmoniser des lois ou renforcer la sécurité des lanceurs d'alerte, de probables lanceurs d'alerte au sein des entreprises? Au sein des entreprises, je ne vais pas être le plus spécialiste pour pouvoir vous répondre. Ce dont vous parlez, c'est de la vie privée aussi, de la défense des droits de chacun. Les lanceurs d'alerte, on va parler d'Edward Snowden, c'est quelqu'un qui va défendre fondamentalement la vie privée de millions de personnes. Il existe une surveillance de masse que pratiquent les États. Et cet homme qui va travailler à la NSA, à la CIA, va révéler l'ampleur de cette surveillance. Voilà. On se doute bien qu'il y a énormément des budgets, sans doute illimités, relatifs à la surveillance d'Internet, etc. Edward Snowden, c'est quelqu'un qui a communiqué à des journalistes des documents des services secrets américains. C'était en juin 2013. Il a mis en lumière le fait que les gouvernements récupèrent secrètement une large part des communications, les courriels privés, la localisation des téléphones, etc. Et donc, oui, les risques, il les a pris et aujourd'hui, il paye le fait de vivre en Russie avec un statut particulièrement difficile. Il risque une dizaine d'années de prison. Il s'agit d'une loi qui date de la Première Guerre mondiale. En tout cas, il est poursuivi aux États-Unis pour cet acte. Et voilà, il vit dans l'incertitude, son statut, son passeport, son possibilité de voyager pour demander l'asile dans son pays. Ce qui nous montre que oui, il y a certainement des possibilités d'évolution dans la protection à l'international. La France n'est pas peut-être la petite dernière dans le monde au niveau protection. Alors, on sait qu'il y a des entreprises privées qui ont du coup agi pour la protection. Apple, WhatsApp, ces éléments-là ont mis en place, on en entend parler au cours de l'actualité. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, je pense. Hervé Lejeune, vous vouliez réagir? Vous parlez d'entreprise, donc je suis obligé de réagir. D'abord, vous l'avez dit, il y a des conseillers des prud'hommes qui existent pour qu'un salarié puisse se plaindre. La personne en question a eu 30 000 euros avec une procédure, donc elle pouvait aller encore un peu plus loin. 30 000 euros, au vu de ce que vous expliquez, c'est que visiblement les juges n'ont pas été convaincus totalement et qu'on est plutôt sur une phase en fait de licenciement abusif, mais pas réellement par rapport à ce qui s'est passé. La charge, entre guillemets, ce qui s'est passé me paraît pas excessive, donc je suis pas sûr que l'ensemble des éléments juridiques étaient véritablement fondés. Mais c'est pas tant le problème. Le problème, c'est que, est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui qu'un salarié, quel qu'il soit, puisse divulguer comme ça des documents, parce qu'il a une conviction, en disant, moi je suis pas d'accord avec ma société et je balance, en fait, le fichier sur tel ou tel sujet de mon entreprise. Je suis désolé, c'est inacceptable. Moi, quand mes salariés, je veux une totale confiance. Je veux être sûr, en fait, qu'ils fassent leur boulot et que l'ensemble des éléments restent dans l'entreprise. Si on est en désaccord, ils la quittent. Et ensuite, il leur appartiendra potentiellement d'expliquer qu'ils sont en désaccord avec ça. Mais on ne balance pas, parce qu'on n'est pas d'accord avec son entreprise, des fichiers et autres. C'est là où il y a un vrai problème. C'est que, donc pour moi, cette personne-là n'est pas forcément un lanceur d'alerte. C'est pas en divulguant des fichiers qu'on fait son job. Là, pour le coup, on nuit vraiment à la société. On est d'accord ou pas d'accord, mais on ne balance pas, en fait. On est payé pour faire un job, on n'est pas là pour diffuser des informations. C'est comme un salarié qui quitte son entreprise et qui prend tout le fichier commercial pour aller chez le concurrent en face. Ben, c'est pas acceptable. Après, et l'entreprise, elle aussi, a le droit de se protéger par rapport à ça. Après, pour le coup, les révélations, si on prend le cas de Stéphanie Guibaud, ont servi ensuite à l'État français pour mener des enquêtes et ensuite arriver à approfondir des dossiers qu'elle recherchait sur des évasions fiscales. Est-ce que, du coup, étant donné que son alerte qui a été lancée, même si vous ne parlez peut-être pas d'alerte, les fichiers qui ont été révélés ont ensuite servi à l'État français, est-ce qu'elle ne mériterait pas, par cette occasion, une meilleure rétribution? Est-ce qu'il appartient à un salarié de divulguer que, en fait, son entreprise avait une pratique fiscale qui n'est pas en règle avec son pays? C'était pas son rôle, c'est pas un lanceur d'alerte à ce niveau-là. Elle fait en fait un courrier anonyme, et Dieu sait s'il y en a quelques-uns, en fait, aux services fiscaux pour expliquer qu'elle a quelques doutes. Vous inquiétez pas, les services en général fiscaux aiment beaucoup ce genre de courrier et viennent faire un tour rapidement. C'est vrai aussi dans le cas de l'inspection du travail. Je peux vous assurer qu'ils en reçoivent beaucoup, beaucoup. Et heureusement qu'on donne pas suite, en fait, à tous les courriers, ou alors on n'en finirait plus. Mais il y a un minimum en fait de conscience professionnelle que 99% des salariés ont et ne divulguent pas pour se faire plaisir parce qu'ils sont en désaccord avec leur société les documents. C'est juste ça. Pour le coup, par contre, il y a la justice qui est là pour ça. Vous l'avez dit, les prud'hommes sont là pour ça. Et puis les tribunaux pénaux sont là pour ça. L'affaire Kerviel et compagnie est là aussi révélateur. On a vu un certain nombre de pratiques. Et puis la justice est là pour se fonder un avis. Alors après, on est d'accord, pas d'accord. Mais il y a une justice qui existe. Il faut encore y croire. Alors après, ce que vous avez dit, c'est intéressant, parce que justement, pour rebondir un peu dans l'actualité, actuellement, le gouvernement est en train de voir pour un amendement pour le budget 2017 qui permettrait de payer les personnes qui dénoncent des comportements frauduleux en matière d'impôts et qui détiennent des données en ce sens. Ça, c'est Le Monde qui nous l'apprenait il y a quelques jours. Le gouvernement donc est favorable à cet amendement, mais souhaite tout de même en limiter la forme pour qu'il ne s'agisse pas de dénoncer son voisin, mais seulement de révéler des scandales de fraude fiscale nationale ou internationale assez sophistiquée. Anne-Marie Beguet-Simon. Je trouve ça scandaleux, mais vraiment scandaleux. Parce que là, ça me rappelle des époques qui ne font pas l'honneur de la France, vraiment, c'est-à-dire la délation, qui a été tellement pratiquée à partir de 1942. C'est insupportable. Alors que la France a besoin, au contraire, de créer un ciment entre tous les citoyens de la France, de créer une solidarité, une fraternité, je trouve que ce type d'amendement, de proposition réglementaire est inacceptable. Inacceptable. Voilà mon point de vue. Emmanuel Maréchal, cette mesure, elle existe à l'international. On voit notamment en Allemagne, il me semble qu'elle existe déjà, de rémunérer. Il n'y a pas de chiffre exact, ça se base souvent sur des échelles qui sont floues. Est-ce que vous avez peut-être des informations sur la réussite de ce fonctionnement? Est-ce que vous trouvez que c'est légitime de payer des gens, ou est-ce que ça peut mener à ce que les gens révèlent juste pour de l'argent? Mais comme ma collègue l'appelle à la délation, c'est pas acceptable. Je ne peux rien dire de plus. Vous l'avez très bien exprimé. Peut-être que le débat, on peut aussi le porter. Alors, on va quitter un tout petit peu le monde de l'entreprise. On va parler du monde des fonctionnaires. Nous avons parlé de 1942, de la banalisation du mal. Il y a eu des gens qui ont reçu des ordres pour faire des choses assez effroyables. Vous parlez de l'Allemagne. Moi, je vais vous parler de la France ou de l'Allemagne, en tout cas. Des personnes qui ont obéi des ordres parce qu'on leur donnait un ordre. On sait quelles conséquences, puisqu'il y a eu des morts derrière. Et il y a eu, par contre, des gens qui se sont rebellés au risque de leur vie pour dénoncer ces faits. Hervé Lejeune, sur les révélations, peut-être juste rémunérer. Vous êtes d'accord aussi sur le sujet totalement? À 100%. D'abord, je considère que les services de l'État en France, comme dans les pays européens en général, ont tous les moyens nécessaires pour le savoir sans avoir des courriers de délation, et encore plus, dans tous les cas, encore moins les payer. Je trouve ça absolument scandaleux. Non, je crois que vous l'avez très bien exprimé. Je partage totalement votre avis. Très bien. Je propose qu'on passe au reportage de Clément. Alors, vas-y, prends le micro, Clément. Et donc, tu allais interviewer le Parti Pirate. Tout à fait. Florent et Mistral, donc, ils sont coordinateurs en Bretagne du Parti Pirate, et j'ai pu leur poser quelques questions. Alors, du coup, une introduction au sujet. Je leur ai demandé... Je leur ai dit, depuis quelques années, on a une hausse croissante du nombre de lanceurs d'alerte, ou en tout cas les médias en parlent de plus en plus. Alors, bon. Oui, voilà. Alors, moi, en effet, pour introduire le thème, je trouve que c'est intéressant de rappeler quelques exemples. Ouais. Comme ça va situer un petit peu aux gens ce dont on parle, parce que ça peut paraître un peu flou, vague, virtuel, alors que c'est très concret et ça a des impacts sur notre vie de tous les jours. Donc ça, il faut rappeler aux gens que ça les touche personnellement, tous, individuellement, et ils ne sont pas, on va dire, exempts de conséquences. Donc moi, comme tu le disais, en fait, Snowden qui a révélé l'espionnage industriel mondial du FBI. Moi, je pensais... Donc ça, c'est dans le domaine, on va dire, de liberté, respect de la vie privée. Oui. Moi, je pensais aussi à un autre domaine. Je vais essayer de citer plusieurs domaines un peu différents, comme ça, ça va donner des exemples. Avec LuxLeaks, donc là, qui est de la fraude internationale massive organisée, et dont Antoine Deltour, qui est le principal... on va dire, principale personne qui a contribué à donner les informations. Et sinon, une affaire liée à la santé, et en plus qui est locale, donc c'est intéressant. Oui. C'est lié au Mediator, avec Irène Frachon, qui s'est battue, qui a bataillé fort pour que, depuis son hôpital de Brest, l'information remonte à Paris, et que, enfin, l'affaire soit révélée. Mmh. Et donc, c'est trois domaines complètement différents, et via ces trois domaines, je pense que personne n'est épargné. Donc déjà, ça permet de se rendre compte que tout le monde est touché. Alors ensuite, tu aurais posé une question que j'ai trouvée très intéressante quand je l'ai trouvée, et qui est, selon vous, est-il plus difficile de dénoncer des faits cachés aux citoyens lorsqu'on est seul, plutôt que lorsqu'on est seul, que lorsqu'on est au sein d'une ONG ou d'une association? Mais je pense que dans Greenpeace ou d'autres associations comme ça prennent beaucoup de risques. Elles sont pas si aidées que ça et pas si libres que ça de dire ce qu'elles veulent. Je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de pouvoir là-dessus. La grosse différence avec les lanceurs d'alerte, c'est que les lanceurs d'alerte, c'est pas leur métier de faire ça, c'est pas leur... leur intention première, c'est de travailler. Edward Snowden, il travaillait à la CIA et c'était son métier, quoi. Et il a décidé d'abandonner tout ça et de trahir. Ce qui lui est reproché aujourd'hui, c'est de la haute trahison, parce qu'il a trahi son organisation. Donc ça peut être une organisation étatique, mais on le voit aussi que c'est la même chose au niveau du droit des affaires, au niveau des entreprises. Donc il y a une histoire de trahison. Et de trahison de l'intérieur. Et de fait, ils font beaucoup plus de mal au système, puisqu'ils dénoncent des choses qui sont factuelles et qu'ils ont pu pratiquer eux-mêmes. Donc, c'est vraiment le délitement du système. Alors, pour un État, c'est assez catastrophique. Ça veut dire que les propres agents chargés de la mise en place de cette surveillance généralisée ne le tolèrent plus et refusent de le mettre en place. Alors sur le thème des lanceurs d'alerte, je leur ai posé une dernière question qui était, est-ce qu'ils souhaitent la création d'un statut lanceur d'alerte dont on entend beaucoup parler dans les médias, dont on a parlé juste avant? Alors le statut d'un lanceur d'alerte, concrètement, c'est Edward Snowden qui est supposé passer dans un avion au-dessus de notre état. On fait arrêter l'avion, c'est un avion diplomatique. On arrête quelqu'un qui nous a apporté beaucoup de choses en France au niveau de cette délation-là. Alors effectivement, ça n'a pas dû surprendre beaucoup de gens, notamment à l'intérieur, qui avaient probablement des idées sur le fait que les États-Unis, notre allié, l'OTAN, connaissaient tout ça. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de dire que, des lanceurs d'alerte comme ça qui nous apportent des choses concrètes, qui nous apportent des choses qui mériteraient une légion d'honneur, en tout cas plus qu'au prince du Qatar. La question qui est derrière ça, c'est de les soutenir. Après, il y a les lanceurs d'alerte comme Edward Snowden qui sont évidemment des cas tellement énormes qu'on comprend même pas pourquoi symboliquement on n'ait pas fait ça. Et puis il y a aussi les cas plus léger, comme on disait, sur les niveaux de l'entreprise, etc., où il faut maintenir, parce qu'il y a des choses qui existent, qui sont en train d'être supprimées, et il faut améliorer le statut de quelqu'un qui n'est pas déloyal à son employeur. Il considère simplement que ce qu'il fait, ce qu'il est contraint de faire dans son entreprise, est beaucoup trop dangereux et contraire à l'intérêt général. Et à partir de là, on peut l'autoriser à dévoiler ce qu'il sait, pour qu'il y ait une vérification et qu'on protège notre intérêt général. Notre intérêt général, c'est l'intérêt public de tous. C'est pas contraire aux droits des affaires, c'est pas contraire aux entreprises. C'est-à-dire, ça veut dire aussi qu'une entreprise, peut se faire de la libre concurrence sans avoir besoin de faire de choses illégales. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait un certain contrôle et des lanceurs d'alerte qui soient là pour alerter les pouvoirs publics qui ne sont pas toujours au courant. Alors, sur cette question des lanceurs d'alerte, c'est tout l'ensemble des questions que je leur ai posées. Mais il y a une interview qui est beaucoup plus complète qui va être mise sur le site de Radio Laser et sur les réseaux sociaux de l'émission. C'est exact. D'une trentaine de minutes. Voilà. Je confirme. Pour présenter le mouvement général parce qu'on n'entend pas beaucoup parler. Voilà. D'accord, très bien. Bah, merci Clément pour ce reportage. Je voudrais juste enchaîner. Du coup, dans le reportage, il a été mentionné peut-être une des récompenses qui pourrait être faite aux lanceurs d'alerte, la Légion d'honneur. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à donner une Légion d'honneur aux lanceurs d'alerte? Hervé Lejeune, vous sembliez un peu tiqué sur cette réponse qui a été donnée. Oui. Je comprendrais que j'étais pas forcément d'accord avec tout ce qui a pu être dit. Oui. Non, j'ai souri sur les légions d'honneur, parce que c'est vrai que on la donne à beaucoup de gens assez facilement. Là aussi, je pense que c'est oublier l'histoire et pourquoi elle a été octroyée, attribuée. Bon, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Est-ce qu'il faut l'attribuer à un lanceur d'alerte? Bon, je pense que là aussi, ça dépend un peu de la personne et de ce qu'il fait. Enfin, il y a des gens qui font des choses extraordinaires, qui n'ont rien, qui cherchent à n'avoir rien à voir. Et il y a beaucoup de gens qui font pas grand-chose et qui font tout pour l'avoir. D'accord. On va continuer du coup sur la protection qui peut être faite et notamment par les entreprises. Et je voudrais du coup parler à ce niveau-là de la directive sur le secret des affaires qui a été votée en avril dernier par le Parlement européen. L'objectif de cette directive, c'est donc que les entreprises victimes de vols d'informations en Europe puissent mieux se défendre en harmonisant leurs droits dans toute l'Europe. Une première question encore pour rester avec vous, Hervé Lejeune, juste, c'est est-ce que vous avez eu déjà des retours de vols d'informations? On dit que c'est fréquent, notamment le Parti populaire européen avait fait une étude en 2013, une enquête la conclusion c'était que une entreprise sur quatre dans l'Union européenne en 2013 avait déjà eu un cas de vol au moins d'informations. Est-ce que vous confirmez ce type de vol? Est-ce que c'est vraiment régulier? D'abord, l'économie elle est mondiale, elle n'est pas simplement européenne, et que des règles européennes voire françaises seules de toute façon ne justifient rien du tout. L'économie est mondiale, il faut juste s'en rappeler. Deuxième élément sur l'information et les vols d'informations aujourd'hui au sein d'une entreprise ou d'ailleurs qui est fait de l'extérieur et on pompe. L'information, c'est malheureusement de plus en plus fréquent. Ça arrive à n'importe qui, à ceux qui se croyaient les mieux protégés. On passe depuis quelque temps en fait des messages de façon très claire à l'ensemble des entreprises du territoire, pas simplement celle d'Ille-et-Vilaine, mais l'ensemble du territoire français, où on est très inquiet. On est très inquiet sur ce qu'on appelle en fait j'oublie le nom, c'est pas grave, où en fait on s'occupe du patron, c'est-à-dire on se fait passer pour le patron. On est au point en fait sur le processus en matière de comptabilité, on récupère des informations avec des virements qui sont faits à l'étranger, sauf que vous le savez pas. Il y a aussi des baux en fait qui sont où on vous dit bah écoutez, pour tel bail de telle société ou tel endroit, bah, vous changez en fait le RIB parce qu'on s'est trompé, et puis si la procédure a pas été contrôlée en interne, eh bien l'argent part ailleurs et ça part très vite. L'entreprise a 24 heures globalement pour pouvoir corriger le tir, faute de quoi c'est parfois la vie de l'entreprise qui est en jeu. Donc oui, on est très vigilant. Il y a un dérapage majeur aujourd'hui, les technologies qui sont utilisées sont de plus haut niveau. Ça se passe pas forcément en France, c'est fait de l'extérieur, mais oui, on est très vigilant et on pousse les gens à être de plus en plus oui, vigilants. Mais c'est vrai aussi pour les particuliers, vous recevez dans vos boîtes mail des gens et alors, jusqu'à peu de temps il y avait beaucoup de fautes, donc ça permettait de déceler que c'était une escroquerie. Ils deviennent très performants, ils ont fait attention, maintenant ils ont dû prendre des cours d'orthographe, les logos sont parfaits, le texte est parfait, donc n'importe quel de vos auditeurs aujourd'hui peut être également soumis à la même chose. C'est des conséquences majeures. Et du coup, toujours sur cette directive des affaires, et pour rester dans le cadre des lanceurs d'alerte, elle vise donc à mieux se protéger de manière générale, mais ça peut arriver que dans le cadre d'un procès contre des lanceurs d'alerte, l'entreprise soit ainsi favorisée. Anne-Marie Béguet-Simon, peut-être, est-ce qu'il y a une légitimité des entreprises à encore mieux se protéger, ou est-ce que ça alourdit encore la pression qu'il peut y avoir sur des gens qui sont en possession d'informations, qui voudraient révéler, mais qui ne vont pas oser révéler parce qu'ils se disent qu'il y a une puissance au-dessus d'eux qui ne leur permettra jamais d'être entendus? Moi, je resterai très modeste par rapport à la question que vous me posez, parce que je ne suis pas dans le monde des entreprises. Mais ça me fait penser à un film que j'avais vu il y a très longtemps qui s'appelait La Conspiration de Nadia Kollo. Et La Conspiration, c'était en fait rapporter comment les industries cigarettières avaient fabriqué des cigarettes pour lesquelles la dépendance était augmentée par l'ajout d'un certain nombre de substances grâce à des travaux de chercheurs qui, on pourrait dire, entre guillemets, étaient quelque part corrompus. Il y a eu cette fameuse affaire Rylander qui est venue quand même sur la place publique. Et là, je trouve que le secret des affaires en matière de procédés de fabrication, eh bien, il a ses limites parce que ce film montrait bien comment cette industrie qui a été un empire considérable a construit quand même un nombre incroyable de personnes dépendantes, d'abord parmi les adultes, après parmi les femmes, puis parmi les enfants. C'était les stratégies de marketing successives qui ont été mises en place. C'est le seul sujet que je connaisse en matière d'entreprise, hein, parce que je me suis engagée pas mal dans la lutte contre le tabagisme. Mais là, on pouvait voir effectivement que le secret des affaires pouvait avoir ses limites parce que le bien commun, c'est-à-dire la santé d'une nation, la santé des pays, la santé de notre jeunesse, était mise en cause parce qu'il y a eu effectivement des processus de fabrication qui ont bénéficié, je dirais, de savoirs malfaisants, bien cachés, bien sauvegardés à l'intérieur des entreprises et l'industrie Maurice. D'ailleurs, Philip Morris a été condamné aux États-Unis il y a quelques années par rapport à ces questions-là, qui sont graves, je dirais, par rapport à la santé publique. Donc, effectivement, s'il y a quelqu'un qui veut porter à la connaissance les processus de fabrication où l'on sait pertinemment qu'on va augmenter la dépendance des sujets fumeurs, on fait du fric comme ça considérablement pour les entreprises, bon, là, je trouve qu'il y a une question d'éthique publique qui est en question. Ben, voilà l'exemple qui me vient à l'esprit. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Ah oui. Emmanuel Maréchal d'Amnesty International. Même chose, je ne suis pas, c'est pas au nom d'Amnesty que je parlerai, justement, okay. En tant qu'observateur, il y a sûrement des évolutions, c'est pas tout à fait le monde de l'entreprise. Je remarque qu'il y a quelques années, l'affaire du sang contaminé, nous en avons entendu tous parler. Il y a eu une évolution, puisque vous parlez d'Irène Frachon aujourd'hui, le médiateur. C'est vrai que la révélation de ces faits qui sont tout aussi scandaleux, hein, puisqu'ils ont entraîné la mort de plusieurs personnes, bon, il y a une évolution dans la manière dont l'information passe aujourd'hui. C'est ma seule observation. Et la question, vous voulez réagir encore une fois? Oui, je pense à autre chose, effectivement, parce que après la révélation d'Irène Frachon, bon, qui a pu s'appuyer aussi sur le travail du Formindep. Le Formindep, c'est une association 1901 qui a poursuit au Conseil d'État la Haute Autorité de Santé pour conflit d'intérêts de certains experts. Parce qu'il y a eu des recommandations de bonnes pratiques qui ont été élaborées par la Haute Autorité de Santé en matière de traitement du diabète non insulino-dépendant, pour la prise en charge de la démence également. Et je dirais qu'Irène Frachon, elle a ouvert tout un courant de révélations sur les conflits d'intérêts qui pouvaient exister même dans le milieu de la santé et qui pouvaient faire jouer un rôle à certains experts, entre guillemets, experts médicaux, ben, achetés par l'industrie, quoi. Mais ces experts participaient à l'élaboration de recommandations de bonnes pratiques qu'après il faut appliquer. Puisqu'après, ces recommandations viennent à l'échelon plus bas, c'est-à-dire au niveau des caisses d'assurance maladie, et elles sont imposées aux médecins. Or, il a été révélé, et dans différents domaines, pour différents domaines de la pharmacie française, qu'on n'a pas toujours les preuves de l'utilité d'un produit. L'affaire Mediator, il y en avait avant dont on ne parlait pas, et il y en aura peut-être encore, bien que je pense que cette affaire-là, sans doute, elle va quand même marquer un temps historique dans l'accès à l'information et le rôle des institutions sanitaires qui sont censées protéger la santé des citoyens. C'est donc un combat qui... C'est un vrai combat. Qui ne s'arrête jamais, en Bravo fait. Irène Frachon, mais il y en aura d'autres. Et je sais que le Formandep a gagné quand même sa cause au Conseil d'État pour vraiment mettre en évidence les conflits d'intérêts de gens qui, pourtant, représentent la santé et sont là pour soigner tous les citoyens. Mais l'argent, parfois, c'est vraiment un facteur de corruption majeur, même dans le champ de la santé. Et dans les combats qui sont menés par les lanceurs d'alerte ou même par des associations, ces combats mènent souvent à demander plus de transparence de la part des entreprises. La question qui se pose, et je peux juste me baser là-dessus sur un article qui avait été écrit en 2001 par Denis Kessler, qui est économiste et aussi dirigeant d'entreprise, qui avait dit l'entreprise est une institution secrète un peu, que ce soit à travers l'idée de société anonyme, qui est répandu, les conseils d'administration qui sont assez clos, les rémunérations dont on parle jamais. Et Denis Kessler, dans son article, disait qu'on se dirige vers une transparence de plus en plus forte. Là je vais me tourner vers vous, Hervé Lejeune, puisque vous connaissez le monde des entreprises. Est-ce qu'une entreprise peut se permettre d'être transparente où il y a quand même un certain secret à respecter pour permettre d'être toujours concurrentiel, pardon. Est-ce qu'on peut aller toujours vers plus de transparence ou il y a une limite? Alors Denis Kessler, et pour information, en fait, l'actuel patron aujourd'hui de la SCOR, qui est une société de réassurance, j'ai pas le sentiment qu'il ait donné son salaire, donc la transparence a quand même des limites. Et avant de demander en fait aux sociétés privées d'être entre guillemets transparentes, que l'État le soit d'abord. Vous parliez, madame, du monde médical. Vous savez qu'aujourd'hui, les hôpitaux de France et de Navarre ont l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes pour valider en fait l'ensemble de leurs écritures. Aucun commissaire aux comptes n'a validé aujourd'hui, à ce jour, les comptes des hôpitaux publics. Donc la transparence, oui, dans les sociétés privées, mais sauf que c'est pas, il n'y a pas un centime de notre argent en fait de contribuables. Par contre, ce qui se passe en fait dans l'État, enfin dans la fonction publique, c'est quand même notre argent. Et je ne suis pas sûr que cette transparence-là, en fait, elle soit totale. Avant d'exiger du privé, que l'État se l'applique, que l'État s'applique les règles qu'il impose en matière de droit social à ses propres agents. C'est juste ça. C'est toujours le monde privé qui est montré du doigt. Il n'y a qu'à faire. Vous savez qu'un chef d'entreprise, quand il crée sa boîte, il y en a plein qui restent sur le carreau. On voit les grands noms, tout, et les sociétés qui réussissent. Mais il y a un tas de sociétés ici sur l'Ille-et-Vilaine. Vous avez des gens. On a une force qui est le numérique. Il y a plein de start-up, peut-être plus qu'ailleurs. Et ces gens-là, ils prennent un risque colossal. Ils hypothèquent leur maison. Ils prennent parfois des risques dans leur vie familiale parce que leur femme ou leur conjoint ne suit pas. Parce que c'est engageant pour nous, pour tout le monde. Et il faudrait que ces gens-là soient transparents, disent « Attendez, je vais faire ci, je vais faire ça ». Ça me rappelle un texte de loi, mais on n'est pas là pour parler politique, mais où on demandait en fait aux sociétés, lorsqu'elles envisageaient de vendre des actions, d'abord de consulter, de donner en fait l'information à ses salariés. C'est méconnaître totalement le mode de fonctionnement d'une société. Et donc aujourd'hui, il faut un minimum en fait de secret, pour reprendre votre expression, parce que le monde des affaires aujourd'hui, on n'est pas chez les bisounours. Et donc avant de demander des conseils à l'entreprise privée, de grâce que ceux qui en fait font ces lois se l'appliquent à eux-mêmes. Très bien. Puisqu'on approche tranquillement de la fin, Colin, c'est le moment de ta chronique. Je te laisse prendre un micro et puis on t'écoute. Comme chaque semaine, j'essaye de m'intéresser à une image médiatique qui pourrait éclairer notre sujet. Et cette semaine, je vous propose de prendre des leçons de démocratie avec mon idole, Nicolas Sarkozy. Petit rappel des faits, le 6 septembre dernier, le site Arrêt sur Image révélait que l'entourage de l'ex-président avait fait pression sur Michel Field, directeur de l'information de France 2, pour que la diffusion d'un reportage sur Big Malion soit largement repoussée afin qu'elle n'intervienne pas au beau milieu de la campagne des primaires. En jeu, la présence de Nicolas Sarkozy à la première de l'émission politique, le nouveau programme politique lancé par France 2, et même la diffusion du débat sur cette même chaîne. Mais le reportage n'est pas terminé, le plateau d'envoyé spécial qui doit diffuser le reportage n'est pas monté. Finalement, après de multiples renversements, un extrait de l'enquête sera bien diffusé dans le 20h de France 2 le 8 septembre, avant d'être diffusé dans son intégralité, comme prévu, pour la première d'envoyé spécial le 29 septembre. Et Nicolas Sarkozy sera bien présent pour la première de l'émission politique. Une belle démonstration donc de ce qu'aurait pu être le sort des médias sous un mandat de Nicolas Sarkozy. En effet Tanguy, mais à mon avis le problème est plus profond encore, surtout depuis que l'ex-président a été mis KO. Là où cette histoire nous intéresse et nous fait d'autant plus frémir, c'est que cette censure a reçu la complicité d'un média, France Télévisions, et plus précisément d'un directeur de l'information, Michel Field, qui semble avoir succombé au charme de l'audience, plus intense sans doute que celui de la conscience professionnelle. Complicité également d'au moins deux journalistes, David Pujadas et Léa Salamé, qui laissent Nicolas Sarkozy insultait copieusement le service public sur leur antenne. Lors de la première de l'émission politique, personne n'osera demander si oui ou non il y a bien eu des pressions à l'encontre de Michel Field pour censurer un documentaire le mettant largement en cause. Personne pour le mettre face à des accusations qui semblent pourtant fondées. Pas le moindre journaliste pour défendre l'indépendance d'un média du service public face à un potentiel candidat à la présidentielle. C'est inquiétant. Lors du débat de la primaire diffusé sur France 2, Pujadas a tout de même l'outrecuidance de demander à Nicolas Sarkozy de répondre des accusations de Ziad Takieddine, le mettant en cause dans l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007. Il aura pour toute réponse droit à une bonne réprimande. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Mais alors, le service public n'est pas indépendant ? Le problème, c'est que service public ou pas, le journaliste ne veut plus perdre son boulot. Prenons par exemple le cas de Claude Sérillon, présentateur du journal télévisé d'Antenne 2 à partir de 1975. Il est remercié une première fois en 1979 par Jean-Pierre Elkabbach pour avoir osé évoquer l'affaire des diamants de Bokassa mettant en cause le président Valéry Giscard d'Estaing. Il récidive en 1999 avec une interview sans concession du Premier ministre Lionel Jospin aux 20h de France 2 qui lui vaut de nouveau d'être écarté. De là à dire que les médias subissent une dictature du politique, il y a un pas que je refuse de franchir. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que sous Sarkozy, c'était le chef de l'État lui-même qui nommait le directeur de France Télévisions et de Radio France et qu'aujourd'hui, la nomination est à peine moins directe. Bref, pour garder son métier, vaut mieux ne pas être trop dur avec les élus puissants ou avec ceux qui aspirent à le devenir. La conséquence d'un tel système, c'est que le journaliste ne peut plus être ce que sa nature de journaliste devrait d'une certaine façon, le forcer à être un lanceur d'alerte. C'est ainsi que Nicolas Sarkozy court toujours, tandis que le journaliste Édouard Perrin était poursuivi en justice au printemps dernier pour avoir révélé le scandale LuxLeaks dans un numéro de Cache Investigation grâce aux lanceurs d'alerte Antoine Deltour et Raphaël Allais. Mais alors Colin, qui va sauver l'honneur du service public ? Eh bien, l'héroïne de cette histoire, elle arrive là où on ne l'attendait pas, c'est Charline Vanhoenacker, journaliste et humoriste sur France Inter, mais aussi sur France 2, où elle clôt chacun des numéros de l'émission politique. Directement touchée par ce scandale, elle s'est livrée à un exercice d'équilibre très difficile, critiquer le service public sur le service public. D'abord sur France Inter. Vous me voyez dire qu'avec cette affaire, le chef de la rédaction de France 2, Michel Field, il suscite tellement l'admiration de Bolloré qu'il veut l'engager pour un magazine de non-investigation. Je peux pas dire ça. Non. Et on ne peut pas dire ça à son prochain employeur. Et puis, directement sur France 2, face à Nicolas Sarkozy lui-même. Alors, bon, ça s'est bien passé, non ? Vous voyez, quand c'est pas vous qui choisissez les journalistes, les lumières et les réalisateurs, ah ben, ça se passe bien quand même. Et ça, je trouve que c'est chouette. Attendez, est-ce que j'ai Michel Field, le directeur de l'info, dans l'oreillette ? Oui, oui, Michel, je suis gentil avec M. Sarkozy, voilà. L'humoriste serait donc le vrai défenseur de l'indépendance, le vrai lanceur d'alerte que le journaliste n'est plus. Cela expliquerait sans doute l'éviction de Stéphane Guillon et Didier Porte de France Inter après l'arrivée de Philippe Val à la direction de la chaîne, nommé par Nicolas Sarkozy. Le premier est accusé d'avoir insulté le PDG de Radio France et on reproche au second un sketch où il met en scène Dominique de Villepin insultant Sarkozy. Alors dans un pays où les journalistes sont censurés ou s'autocensurent, on peut espérer que la voix de l'humoriste vienne sauver l'indépendance des médias, condition sine qua non de toute démocratie. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire, selon vous, que les journalistes sont de véritables lanceurs d'alerte ou est-ce que c'est un raccourci un peu trop rapide ? Anne-Marie Béguet-Simon, est-ce que vous avez un avis à ce sujet ? Est-ce que les journalistes peuvent être des lanceurs d'alerte ou sont-ils des lanceurs d'alerte ? Sont-ils des lanceurs d'alerte ? Écoutez, ils sont des lanceurs d'alerte s'ils gardent leur indépendance complète, c'est-à-dire une autonomie de jugement, une autonomie de pensée. Or, on sait très bien qu'un certain nombre ont perdu, hélas, cette autonomie de pensée. Et qu'en ils sont au service du pouvoir, comme la justice a pu et est encore au service du pouvoir. Donc, effectivement, la démocratie aujourd'hui, elle est un peu mal. Elle est un peu mal. Parce que quand on voit des médias aussi mauvais, je suis désolée, quand je vois Ouest France et une incapacité à prendre des communiqués que nous adressons régulièrement, soit Amnesty, soit nous, mais qui a censure, alors que, bon, on est quand même là, je pense, pour l'intérêt commun, pour la démocratie. Alors écoutez, moi, les journaleux, là, parfois je me pose des questions sur leurs compétences, leur capacité à penser. C'est entendu. Je me permets juste de reprendre la parole parce que Hervé Lejeune, vous vouliez réagir dans la chronique, à un instant dans la chronique. Oui, je voulais pas, enfin, je vous laisse libre de vos propos par rapport à Sarkozy ou le reste, mais moi, c'est juste, j'aimerais attirer l'attention de chacun et de chacun de vos auditeurs sur le sujet. C'est que on ne sait plus aujourd'hui qui est la vedette en fait dans ces histoires. On ne sait plus si c'est le journaliste ou si c'est lui en fait ou l'invité politique. Très sincèrement, c'est aujourd'hui des soirées spectacles. Où chacun se fait plaisir et à celui qui parlera le plus. Et deuxième élément, c'est que je pense que dans cette histoire, on est en train de saccager la démocratie et l'intérêt en fait de la chose publique et de la vie politique. Et les uns et les autres sont responsables. Les uns et les autres sont responsables. J'ai peur que si on devait continuer comme ça, on n'aura qu'une montée de populisme. Et je suis très inquiet quand je vois exactement aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Emmanuel Maréchal, vous réagissiez aussi visuellement. Non, je crois que je vais parler des associations militantes, enfin, de toute personne qui est militante et qui défend les droits. À votre question de savoir si les journalistes font partie des lanceurs d'alerte, je dirais que vous en avez toute la potentialité, jeune homme. Très bien. Colin, on approche toujours de la fin, donc tu avais quelques autres sujets que tu voulais aborder. Effectivement, alors je voulais revenir sur ce film qui est sorti mercredi dernier, le nouveau film d'Emmanuel Berco, La fille de Brest, qui retrace, tu le disais en introduction Tanguy, le parcours semé d'embûches qu'a courageusement bravé la pneumologue, Irène Frachon. Son nom ne vous est donc probablement pas inconnu, surtout vu le nombre de fois où on l'a évoqué lors de cette émission. C'est donc celle qui est à l'origine des révélations sur le Mediator, un médicament antidiabétique présenté comme un coupe-faim comportant en réalité de graves risques cardiovasculaires. Le médicament a été retiré du marché en novembre 2009 suite à un véritable parcours du combattant entrepris par Irène Frachon et son équipe. Donc dans ce film, Irène Frachon est interprétée par l'actrice danoise Sisse Babette Knudsen, qui m'excusera si j'écorche son nom, et joue aux côtés de Benoît Magimel. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. On a 2 minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Faut arroser les grands médias. Je suis médecin, moi. Pam pam pam girl. Ça va être Hiroshima. Ah bah c'est pas mon nom de te dégonfler. Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis. Des centaines de milliers de personnes ont été exposées. Mais ça fait 30 ans qu'il existe Médoc, réveillez-vous les gars. La guerre aux méchants labos, c'est ça? En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible. Si la recherche est pour le service des malades, alors pourquoi faire ce métier? On va se faire tailler en pièces! Pas de panique. Avoir une grande gueule, tu crois que ça suffit? Alors maintenant, tu vas prendre ta bite et ton couteau, Madame Irène Frachon, et on va voir comment tu te démerdes. Posez-vous d'abord la question, et si c'était vrai? La fille de Brest, oui, qui est dans les salles obscures depuis mercredi, et tu as pu poser quelques questions, en effet, à la réalisatrice. J'ai pu poser quelques questions à Emmanuel Berco, la réalisatrice de ce film. Alors, avec les sorties consécutives du deuxième film sur Edward Snowden, et donc ce film sur Irène Frachon, j'ai voulu savoir d'abord si les lanceurs d'alerte étaient aujourd'hui devenus les héros de notre époque, s'ils n'étaient pas en passe de devenir même des héros du cinéma. Des héros tout court, ça c'est sûr, j'ai aucun doute là-dessus. Ce sont des gens extrêmement précieux aujourd'hui et qui sont des exemples. Et surtout qu'il faut faire en sorte, au plus vite, de protéger par des lois. Et ça devient des héros de cinéma parce que, comme on le sait, les mêmes idées sont souvent dans l'air, dans tous les domaines de la création. Et c'est vrai que là, il y a plusieurs films qui sortent très proches les uns des autres sur ce thème-là. Donc des héros, oui, mais pas que. Je rappelle donc que c'est Sisse Babette Knudsen qui joue le rôle d'Irène Frachon, une actrice qu'on a connue dans la série danoise Borgen, où elle interprète la première femme première ministre du Danemark, confrontée à toute la violence d'un monde politique dans lequel elle évolue vaillamment en tentant de faire passer ses idées de justice et de progrès sociaux. J'ai donc voulu savoir si Emmanuel Berco, en faisant appel à Sisse Babette Knudsen, n'avait pas voulu montrer que les lanceurs d'alerte sont également les hommes et les femmes providentiels de demain, ces hommes et femmes que l'on aimerait voir aux plus hautes fonctions de l'État aujourd'hui. Écoutez, moi, je pense que oui, parce qu'ils ont le... ils n'ont pas de responsabilité politique et pourtant, ils ont le courage d'œuvrer pour l'intérêt général sans rien attendre de bénéfices personnels. C'est quand même ça ce qu'on attend des politiques. En principe, eux, ils n'ont rien à perdre. Et c'est pour ça qu'ils font ce qu'ils ont le courage de faire. Et je pense qu'effectivement, les hommes politiques pourraient soit s'en inspirer, soit leur laisser la place, parce qu'on a besoin de gens extrêmement courageux aujourd'hui. Eh bien, merci Colin pour ton reportage. Voilà, c'est la fin de cette émission. Le temps de remercier donc nos trois invités, Anne-Marie Béguet-Simon de la Ligue des droits de l'homme à Rennes, Hervé Lejeune donc de l'Union des entreprises d'Ille-et-Vilaine et Emmanuel Maréchal d'Amnesty International Bretagne. Merci à Colin et Clément pour leur aide dans la préparation de cette émission. Si vous voulez aller un peu plus loin dans le sujet, je vous conseille personnellement d'aller voir le court-métrage Lanceur d'alerte, réalisé par le collectif Les Parasites. Vous le trouverez sur YouTube et vous pouvez aussi aller voir donc le film dont on a largement parlé dans cette émission, La fille de Brest, sorti en salle ce mercredi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Restez à l'écoute de Radio Azer. Tout de suite, c'est Marcus avec Eureka.